Le Merle et ses voisins. C'est un podcast qui chronique le confinement d'habitants d'un immeuble du quartier de la Chapelle à Paris. La vie y est désormais rythmée par le chant puissant d'un oiseau, perché fièrement sur une antenne aussi libre que nous sommes prisonniers. Premier épisode, Hélène, la doyenne de l'immeuble. J'ai la voix qui a du mal à démarrer. J'ai pas parlé depuis hier. Je suis en bonne santé, oui. Alors, je m'appelle Hélène. Je suis née dans ce quartier il y a déjà beaucoup d'années, puisque je suis maintenant retraitée depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis une chercheuse en sciences naturelles et j'ai travaillé toute ma vie au Muséum national d'histoire naturelle, en entomologie, et je suis une spécialiste des charançons. Alors, les charançons sont des insectes coléoptères, c'est-à-dire du même ensemble que la coccinelle ou le doryphore, mais c'est une famille qui est strictement inféodée aux plantes, donc ce sont des phytophages, et quand ils mangent des plantes utiles à l'homme, on les considère comme nuisibles, mais c'est un point de vue très, très humain, très anthropologique. Alors j'ai été retraitée à 65 ans, mais j'ai demandé l'autorisation de poursuivre des recherches et donc j'ai avec un statut, enfin une étiquette qui s'appelle attaché honoraire, j'ai le droit de venir travailler. Bon, ceci dit, je suis comme tout le monde, je n'ai plus le droit de travailler en ce moment dans les locaux et donc je suis confinée dans mon immeuble. Je vis ici depuis 1981. Et précédemment, j'habitais sur le boulevard, le long du métro aérien, chez mes parents. Donc j'ai toujours habité ce pâté de maison. De mes fenêtres, je vois mes anciennes fenêtres qui sont par là. Et oui, c'est un peu mon village parce que j'ai toujours connu ce coin-là. Je connaissais des gens qui habitaient l'immeuble où je suis maintenant. Casquette à pont, calèche et phaéton. Avec cocher en cocardé. Bourgeois goguenard, bourgeois Louis-Philippard. Avec larbin de haute volée. Si vous croyez que moi, à Paris, on peut m'avoir avec une Au fur et à mesure qu'un certain nombre de boutiques arrivaient en fin de bail, les boutiques étaient reprises par des Indiens au sens large, puisque ce sont plutôt des Sri Lankais. Il y avait des commerçants qui souhaitaient rester et qui n'ont pas pu rester parce que ça a été pris. Donc il y a eu sans doute des soutiens d'un commerçant à l'autre pour que les magasins, l'un après l'autre, deviennent plutôt des magasins dits indiens. Donc on a vu plein de loueurs de films de Bollywood et des magasins alimentaires très indiens avec des grands sacs de riz qui font quelques kilos. J'ai trouvé ça un peu difficile parce que, par exemple, sur le Faubourg Saint-Denis, à deux pas, il y avait une grande librairie, il y avait un magasin Nicolas, il y avait des magasins dans lesquels je pouvais aller. Et finalement, à part la pharmacie, je crois que je ne fréquente pas le quartier pour faire mes courses, je vais au-delà. Même avec le changement, je suis attachée à ce quartier parce que je le considère comme mon village malgré tout. Il y a eu une époque où quand je sortais, des commerçants m'interpellaient et me disaient « on n'a pas vu votre maman depuis 3 jours, qu'est-ce qui se passe ?» Enfin bon, c'était ma mère avant moi, était un pilier du quartier. En 1911, elle était une petite fille de 7 ans, orpheline, élevée par des tantes. Et donc, elle s'est installée boulevard de la Chapelle. Et puis, elle allait à l'école de la rue Louis-Blanc, où je suis allée plus tard. On a vraiment nos racines dans le quartier. Alors, mon papa, au moment du mariage avec ma mère, il habitait rue Châteauland, donc qui n'est pas très loin non plus. Et donc, ils ont dû se rencontrer à Saint-Laurent, j'imagine, notre paroisse de l'époque. Mon papa était un modeste employé, être comptable. En fait, je suis la seule des trois enfants à avoir fait des études à la faculté de Jussieu, la faculté des sciences de Paris à l'époque. Et donc j'y ai fait des études de sciences naturelles en général jusqu'à avoir une licence. J'ai abouti au muséum où on m'a envoyé faire des études de troisième cycle à la fac en même temps que je travaillais. Et donc j'ai obtenu un diplôme d'études approfondies d'abord et puis ma thèse bien longtemps après quand même. Il y a l'entomologie, oui. En ce moment je n'en fais pas parce que je ne peux pas travailler à domicile. Je peux à la rigueur finaliser une publication quand elle est déjà bien avancée, mais tout le temps où je rédige une publication, j'ai besoin de vérifier les insectes, le bino, la bibliographie. Enfin bon, ça nécessite d'avoir tout ce qu'il faut sur soi, à côté de soi. Et j'ai pas ça chez moi. Mes journées de confiné, elles se passent bien parce que je sais toujours quoi faire. Et donc, j'ai déjà consacré plus de temps que d'habitude à faire du ménage. Et sinon, je fais beaucoup de lecture, je fais de l'aquarelle éventuellement, je bricole des petites choses droite à gauche, je participe à des réunions par Internet, c'est-à-dire des tonnes de messages, et ça, après, il faut faire le tri et ça prend beaucoup de temps. Dans ma vie aussi, il y a beaucoup la musique, donc il y a aussi le groupe dans lequel j'appartiens, où on communique et on partage des choses. Je ne joue pas d'instrument, je sais quand même déchiffrer avec un clavier, mais c'est tout. Non, je chante avec une meilleure voix qu'en ce moment. De la musique classique, du baroque au contemporain, dans un ensemble vocal qui est composé de gens qui prennent des cours de chant pour la plupart ou qui en ont pris. Et on a un excellent chef qui s'appelle Christophe Graperon qui est un peu connu puisqu'il participe à des groupes musicaux professionnels. Entre autres, il est bras droit de Laurence Equilbet chez Accentus qui est un grand groupe de chanteur. Et je ne parle pas tous les jours puisque je suis isolée et seule. Souvent quand le téléphone sonne, j'ai du mal à parler parce que je n'ai pas parlé depuis 24 heures. Je dis quand même un petit bonjour à mes voisins de balcon, mais sinon il y a des jours effectivement si je n'ai pas eu de coup de téléphone, je n'ai pas parlé quoi. Alors que c'est un peu compliqué de remettre la voix en route. Même aujourd'hui, je me suis forcée à faire de la lecture à voix haute, mais ça n'a pas déclenché forcément une très jolie voix. Ordinairement, je passe effectivement au moins la moitié de la journée à l'extérieur, donc j'ai pas ça en ce moment. Donc déjà, d'un point de vue strictement pratique, je fais généralement mes courses une fois par semaine parce que y a le week-end et puis il y a les soirs. Et le soir, je mange légèrement, donc ça ne nécessite pas d'avoir des provisions monstrueuses. Mais là, en ce moment, je mange deux fois par jour, donc il me faut davantage de choses, évidemment. Ça veut dire faire la cuisine à midi, ça déjà, ça occupe un petit peu, mais enfin bon, pas énormément quand même. Donc, j'ai de quoi m'occuper entre lecture, voir un bon film, faire des nettoyages du tri, appeler les gens qui sont seuls de leur côté. J'ai passé, surtout au début du confinement, beaucoup de coups de téléphone à des vieilles dames, plus vieilles dames que moi, on peut dire. France Inter, 8h. Florence Paracuelos, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La vie sous cloche pendant 15 jours au moins, 67 millions de Français confinés pour contenir le coronavirus. Nous sommes en guerre, dit Emmanuel Macron. Un peu difficile à dire, mais je ne suis pas angoissée. Je suis les consignes et puis ça va, Ça va, mais ça dure longtemps, oui. Et ça va encore durer longtemps. Les grandes épidémies comme on a actuellement, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est un confinement général et c'est la manière dont les médias en parlent. Moi, j'ai connu deux épidémies. J'ai eu la grippe asiatique, 57 peut-être, et il y avait la moitié de la classe qui était vidée. On était tous chacun chez soi. Bon, c'était une grippe et elle n'a pas eu tant de conséquences que l'épidémie actuelle. Je ne me souviens pas avoir été très malade, mais bon, chaque fois que j'ai eu la grippe dans ma vie, de toute façon, je suis quelqu'un qui monte facilement à 40, donc je pense que j'ai dû faire un épisode comme ça. Et à ce propos, donc, ma maman me racontait qu'elle avait vécu la grippe espagnole en 1918, donc elle était encore à l'école de la rue Louis-Blanc. Et bon, ça a été un épisode dont on a beaucoup parlé. Mais c'est actuellement qu'on nous dit les chiffres. Bon, je ne pense pas qu'elle en avait la moindre idée des chiffres, parce que la presse, parce que la radio, parce que tout ce monde-là ne faisait pas autant d'informations autour de ce phénomène. Et c'est les militaires américains qui ont répandu ça un peu partout. Ça fait des années qu'on cache un peu tout ce qui a trait à la mort. C'était pas le cas au début du XXe siècle. C'était même pas le cas encore dans les années 1950 où, quand il y avait un mort, on mettait des draps noirs autour du portail. Ça se remarquait forcément, alors que maintenant ça passe inaperçu. C'est tout juste si on a des faire-part. Ça n'est plus du tout la même chose. Mais là, le rapport à la mort a forcément changé. D'abord parce qu'on ne voit plus les gens très atteints dans leur dernier moment. Donc, c'est un peu la mort tout seul dans son coin. Et l'enterrement aussi. Que le monde va changer après cette période de confinement, je n'en suis pas très sûre. Je pense que, oui, on a encore quelques mois à vivre différemment. Vraiment quelques mois, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain de reprendre les habitudes anciennes. Mais je crois que dès que les vannes seront ouvertes, ça va revenir quand même, grosso modo. Enfin, il me semble bien que les choses ne vont pas beaucoup changer dès qu'on pourra refaire une liberté de se promener, liberté de se réunir, liberté de faire ce qu'il y a à faire. On a des habitudes bien ancrées. Bon, moi, je ne suis pas une grande consommatrice, donc je veux dire que je ne vais pas avoir changé non plus, même si je pense que dans cette période, j'ai peut-être été un peu plus frugale que d'habitude. Je suis plutôt collectivité. Je suis partie des gens bizarres qui n'ont pas une machine à laver chez eux, qui trouvent que la laverie, ça va bien. Et j'aimerais bien qu'il y ait... un local ici avec une machine à laver pour l'immeuble. Enfin, je veux dire, ça me paraît très évident, plutôt que d'en avoir un chacun chez soi. Je suppose qu'il y a au moins 10 machines pour 12 personnes, enfin 12 foyers. Donc, bon, ça ne me paraît pas utile. Enfin, tout le monde ne la fait pas tourner tous les jours. Bon, je n'ai pas vu la crise venir, mais par contre, je suis sûre qu'il y en aura d'autres. Et ça, c'est un peu de notre faute. En ayant bousillé beaucoup de choses de la nature, il y a des organismes qui n'existent plus ou qui vivent autrement et qui se rapprochent des humains. Et en particulier, la déforestation est une des choses qui ont favorisé le genre de crise, que ce soit coronavirus de maintenant, ou que ce soit Ebola, ou que ce soit des choses comme ça. Moi-même, j'ai été en Afrique et j'ai bien vu qu'on défrichait. On ne peut pas continuer à mettre toute la nature à notre service. Voilà, comme les Italiens, désormais, autorisés à sortir avec une attestation et seulement si c'est indispensable, sous peine de sanction. Pour toutes les sorties autorisées dorénavant, c'est-à-dire pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, à la pharmacie, au travail, si c'est indispensable, aider un proche, récupérer ses enfants en garde alternée, faire de l'exercice ou promener son chien, il faudra se munir d'une attestation sur l'honneur à télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ou bien à rédiger soi-même. Je ne pensais pas qu'on aurait besoin de montrer un papier pour sortir, enfin des choses comme ça, mais Parce que par nature, je suis, on va dire, j'obéis aux règles. Je me disais que s'il y avait des règles, je les appliquerais. Point, j'ai montré à laisser passer, ça va un peu trop loin pour moi, parce que je pense que je suis raisonnable à tout point de vue. Mais je n'ai pas d'imprimante. J'en ai une au labo, donc je n'ai pas d'imprimante ici. Je m'apprêtais à écrire mes autorisations à la main, et puis Madame Pifto m'a donné des papiers. Et puis depuis, j'en ai trouvé dans les journaux que je lis, donc je découpe et je mets de côté. Donc ça va, mais je pouvais aussi écrire à la main, je ne me faisais pas de soucis pour ce genre de choses. Surtout vu le nombre de fois que je sors, une fois par semaine, ça use pas beaucoup de papier. J'ai aussi d'aimables voisins qui font des courses pour moi. La solidarité de l'immeuble est venue toute seule. Il y a une première qui m'a un peu étonnée, d'abord par les plus récents de l'immeuble, c'est-à-dire d'abord Madame Pifto qui m'a proposé de faire des courses. Alors elle est dans le milieu médical, elle était forcément un peu plus branchée sans doute que d'autres. Puis mes voisins de palier, puis d'autres dans les étages. Et donc, j'ai trouvé ça à la fois de ses gré à tous ces gens d'avoir manifesté, parce que c'est vrai que je suis classée dans la population des gens à risque, ayant quand même plus de 75 maintenant. Mais par ailleurs, je me sens en bonne santé, et donc j'imaginais pas que j'allais pas faire mes courses, mais j'ai pensé que c'était raisonnable de rester chez moi le plus possible. Je reprendrai une vie professionnelle après le 11 mai si je suis autorisée à rentrer dans les locaux, ce que je ne sais pas. Les gens qui me manquent, mais avec le silence relatif de la ville que nous avons maintenant, j'ai entendu un merle, mais je l'entends à d'autres moments. Dans ces circonstances, ça s'entend vraiment beaucoup mieux. Le matin, relativement tard, c'est-à-dire que normalement, je les entendais plutôt juste après le lever du soleil. Là, c'est plutôt vers 9h, 10h, le soleil est déjà bien levé. Un merle qui se perche sur des antennes de télé par là, et qui y va à tue-tête. Bon, c'est pas un son nouveau, mais on l'entend beaucoup mieux qu'habituellement. Et puis, les premiers jours où je suis sortie sur le balcon à 20h, ce qui m'a frappé, c'est l'étoile du berger qu'on voyait, mais alors d'une manière à crever les yeux. Donc, bon, alors que d'habitude, y a de la brume, il y a la pollution, il y a tout ce qu'on veut, on n'y fait pas forcément attention, on n'est pas sur le balcon à cette heure-là, obligatoirement. Et là, pendant une semaine, je me dis, qu'est-ce qu'on la voit bien. La musique en général m'aide à traverser cette période. Encore, je n'en ai pas écouté beaucoup, mais bon, il y a des moments où je me dis que j'ai besoin d'une bonne dose de musique. En particulier la semaine de Pâques, où j'ai l'habitude, moi, de vivre la semaine sainte en allant à des offices. Les églises étant fermées, il n'y avait pas. Donc, le Vendredi Saint, j'ai eu envie d'écouter la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, que j'ai chanté il y a 4 ans, je crois. Donc, ça occupe pendant un bon moment. J'ai fait autre chose, c'est une chanson d'Anne Sylvestre qui date de 40 ans, peut-être, ou peut-être plus, je ne sais plus, qui s'appelle Les Cathédrales. Créés avec des étoiles, des vitraux hallucinés, flammes vives, tes ogives s'envolaient au ciel léger. Et j'écoute. Elle m'avait tourné dans la tête pendant des jours et des jours l'année dernière. Elle est revenue cette année, forcément, quand on a parlé de l'anniversaire de l'incendie. Je suis croyante et pratiquante, oui. Et du point de vue de l'histoire de l'art, Je m'arrête très très souvent pour visiter autant de l'art, du grand art, les expositions, tout ce qu'on veut, mais aussi les petites églises bretonnes avec des statues naïves qui sont plus de l'art populaire, mais qui sont tout à fait passionnantes. Ce que la foi m'aide à traverser cette période, ça fait partie de moi et je ne vais pas dire c'est ça qui m'aide, je suis comme ça, je traverse la période sans problème. Je crois que la foi est une chose qui m'imprègne. La curiosité intellectuelle est une autre chose, le tout fait que je traverse cette période sans vraiment me faire de soucis. Vous venez de découvrir Le Merle et ses voisins. Retrouvez-nous pour un prochain épisode avec Louise dans une atmosphère de pluie et d'orage.